Vous parlez souvent de votre travail? Oui, j'en parle souvent. Vous êtes content de votre nouvel ordinateur? Oui, j'en suis content. Vous avez besoin de la photocopie? Oui, j'en ai besoin. Vous avez peur du chômage? Oui, j'en ai peur. Vous vous souvenez de votre premier baiser? Oui, je m'en souviens.